Au milieu de l'Afrique, dans le désert, sur la terre, de là où vivent les tigres et les zèbres. Vivre d'amour, tout est zen, j'aurais pu être né dans une famille milliardaire, là où la thune coulerait comme l'eau d'une rivière. Être décédé, allongé sur une civière. J'aurais pu être né dans le Groenland, entouré de glace, où l'air est pur, les températures sont basses. J'aurais pu naître en face, à ta place, sur tes traces. Être né autre part dans l'espace, loin de la terre et de tout ce qui s'y se passe. Que ma réalité s'efface, j'aurais pu, mais ce n'est pas arrivé. Je sais qui je suis, ouais, où je vis, ce que je vois, ce que j'aime, qui je fuis. Je sais qui sont mes amis et qui sont mes ennemis. Ce que j'ai accompli, tous ces rêves que j'ai souhaités lorsque j'ai soufflé ces bougies. Il faut qu'on reste vrai, la réalité restera vraie avec nous. Notre existence est la plus belle des raisons pour qu'on tienne le coup. C'est ma vie, personne ne m'empêchera de la vivre ainsi. Je trace mon chemin pour ne jamais oublier qui je suis. À toi de le faire aussi. J'aurais pu avoir des parents producteurs de musique, être un orphelin rêvant d'être un acteur, rêvant d'être un comique, être différent et préférer choisir une autre voie. J'aurais pu faire moins d'erreurs, moi, j'aurais pu avoir d'autres choix. J'aurais pu être quelqu'un de meilleur ou de mauvais peut-être, être celui qui écoute cette musique et non celui qui l'a faite. F-A-C-K-Y. J'aurais pu ne jamais parler français, ne jamais aimer le rap, danser, insensé, être au fait pour oser penser. Et comme j'aurais pu tout simplement ne jamais, jamais avoir existé, je vais profiter de ma vie et ne jamais rester attristé. Écrire pour exister, faire de tous mes rêves une réalité. Le mic dans mes mains pour divulguer ce que je vous appellerai la vérité. J'aurais pu naître avec des liasses, ouais des liasses plein les poches. Mais on m'a dit des merdes de toi, alors j'ai dû sortir mes mains de mes poches sans reproche. Fallait trouver ma voix, trouver l'inspiration, dire tout ce que je ressens sans incitation, sans oublier qui je suis dans l'inattention. Battre des records, devenir une célébrité sans aucun remords. Vouloir devenir le plus grand, le plus fort, avoir réussi sans aucun effort. J'aurais pu faire la guerre dans cet uniforme, croire en Satan et Lucifer. Oublier que j'existe sur cette terre bien difforme. Je me démène à rester toujours le même. J'amène et emmène le cœur des gens que j'aime, là où l'inspire me mène. J'aurais pu n'avoir connu aucune rancune, aucune lacune. Je suis fier de ce que je suis, même si j'ai jamais marché sur la lune, ni rappé sur la une. J'aurais pu ne jamais avoir le moindre rêve, être à la recherche de rien et seulement attendre que ma petite vie s'achève. J'aurais pu, mais peu importe, vu que le monde s'en fout. Après tout, j'aurais sûrement pu être n'importe qui sans aucun doute. J'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu et je pourrais. On emmerde ce que pensent les autres, soyons fiers de ce qu'on est. J'aurais pu choisir une autre voie et ne jamais être là, c'est vrai. J'aurais pu au bout du compte ne jamais exister.